Philippe, ce roi de Macédoine qui sut par son courage et par sa politique enrichir ses États, étendre sa domination sur un grand nombre de peuples et se rendre par ses armes redoutable à toute la Grèce, ainsi qu'il répète sans cesse les discours et les fameuses harangues de Démosthène, Philippe, disons-nous, quoique presque toujours absorbé par les soins de la guerre et par les émotions de la victoire, ne resta pourtant jamais étranger au commerce des muses et aux études littéraires. Et beaucoup de ses paroles et de ses écrits témoignèrent d'un esprit aussi fin que poli. On a de lui des lettres pleines de pureté, de grâce et de sagesse, telle est celle qu'il adressa au philosophe Aristote pour lui annoncer la naissance d'Alexandre. Elle est bien propre à exciter la sollicitude des pères pour l'éducation de leurs enfants. J'ai donc jugé convenable de la transcrire dans l'espérance qu'elle fera impression sur l'esprit des parents. Je me garderai bien d'en altérer une seule expression. Philippe à Aristote, salut. Sache qu'il m'est né un fils, ce dont je remercie les dieux. C'est moins de me l'avoir donné que de l'avoir fait naître de ton vivant. Car j'espère qu'élevé et formé par toi, il se montrera digne de son père et de l'empire qu'il doit diriger un jour.